La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! Ici, Hubert-Félix Typhon, vous écoutez Radio Boncourt. C'est à moi. Je suis Marraine la Bonne Fée. Boncourt, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert-Félix Typhon. Aujourd'hui, c'est lundi, et quoi de mieux pour commencer une nouvelle semaine sur Radio Boncourt que d'explorer un genre mythique, la comédie musicale. Je sais qu'ici on a des fans de Jacques Demy, je l'aime d'amour aussi. Alors, avant de commencer cette chronique, petit big up à Michel Legrand, compositeur géant décédé il y a un an, et qui, à l'instar de cette radio, fait tourner les moulins de nos cœurs. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre propre panthéon cinématographique spécial quarantaine afin d'en faire profiter notre communauté cinéphile. En numéro 1, direction New York dans les années 50 avec West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins. Le film revisite Roméo et Juliette sur un fond de guerre de gangs américaine en mettant en scène deux clans rivaux, les Jets et les Sharks. Américains d'origine européenne d'un côté contre immigrés portoricains de l'autre. Tony et Maria appartiennent à chacun des deux clans, mais je vous le donne en mille, ils vont tomber amoureux. Le film est entrecoupé de scènes chantées et dansées superbement mises en scène. Je vous laisse découvrir un petit extrait dans lequel Maria s'apprête pour son bien-aimé, morceau que vous pourrez réécouter en suivant les chroniques beauté de Dame Louison. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria? En numéro 2, je vous propose un film beaucoup moins rigolo, que l'on pourrait renommer drame musical, mais qui reste pourtant bien ancré dans le genre et qui a marqué au fer rouge mon esprit cinéphilique, au point de placer ce film très haut dans mon top. Il s'agit de Dancer in the Dark de Lars von Trier, réalisé en 2000. Alors, regarder la filmographie de Lars von Trier en période de confinement est sûrement un sacré défi, et en même temps, c'est l'occasion. Dancer in the Dark raconte l'histoire de Selma, une ouvrière touchée par une maladie qui la rend aveugle jour après jour, mais qui malgré tout va vouloir se battre pour son fils sans quémander d'aide. C'est un film très dur sur l'injustice, la chanteuse Björk qui incarne parfaitement ce rôle de mère battante dans ce monde patriarcal, aidée par son amie Cathy, qui n'est autre que Katoche Deneuve. Les scènes chantées sont pour nous, comme pour Selma, des échappatoires à cet environnement trop brutal. En voici un extrait. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were. finissons sur une note plus joyeuse. Le film que je vais à présent vous citer est un classique de chez les classiques, mais à mon sens, l'un des plus intelligents du genre. Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Jane Kelly, réalisé en 1952. Ce film s'inscrit dans l'ère hollywoodienne des années 50. C'est l'époque du cinémascope, des films grands spectacles aux couleurs éclatantes et l'âge d'or de la comédie musicale. À cette période, on réalise aussi beaucoup de métafilms, des films qui parlent de cinéma, du star system et du rêve américain. Chantons sous la pluie en fait partie, puisque l'histoire se déroule dans les années 1927, lorsque le cinéma est devenu parlant. Cela donne lieu à plein de situations cocasses, dont le film est truffé. Le film raconte l'histoire de Don Lockwood et de Lina Lamont, stars du cinéma muet, qui vont devoir faire face aux évolutions techniques. Sauf que Lina Lamont a une voix de merde. Pierre, you shouldn't have come. Prouesse scénaristique, mais aussi esthétique et une mise en scène spectaculaire, chaussez vos claquettes. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Revisitez les titres de comédie musicale en remplaçant un mot du titre par le mot « semoule ». Attention, Elie Semoule ne sera pas comptabilisée car ce n'est pas un titre de comédie musicale. Exemple, chantons sous la semoule. Commentez comme d'habitude sur notre page Facebook en dessous du post Chronique Cinéma. Le gagnant sera l'auteur du titre qui me fera le plus rire et recevra un gif de moi-même. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre Chronique Cinéma. En attendant, prenez soin de vous, applaudissez le personnel soignant, mais aussi applaudissez le Covid d'avoir attaqué Harvey Weinstein. Lavez-vous les mains avant et après ces applaudissements et restez branchés sur Radio Boncon, la radio des boncons. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais? Je suis complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis parent de ton fils. Mais enfin... Lutin, lutin, malin, pestil. Waouh. Je la veux encore! Ça ne doit plus arriver! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver! Franchement!